Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la mère divine en Inde. Voici 2 semaines aujourd'hui, en compagnie de Fabrice Midal, nous avons essayé de pénétrer au cœur du tantrisme tibétain, d'en comprendre ce qui était vraiment la marque exclusive d'une certaine manière, afin de dissiper tout un certain nombre d'illusions que nous nourrissons souvent dans nos contrées. Aujourd'hui, nous allons élargir le débat et nous intéresser à ce qui est l'origine même du tantrisme tibétain, c'est-à-dire le tantrisme tel qu'il s'est développé en Inde. Nous ne prétendons pas, évidemment, éclairer toute la question du tantrisme, mais dissiper un certain nombre des illusions les plus tenaces que nous nous sommes faites en Occident à son sujet. Et dans le tantrisme indien, nous voudrions nous attacher plus particulièrement à sa figure sans doute centrale, c'est-à-dire à la figure de la déesse mère, de la mère divine, en essayant de comprendre de quoi il s'agit au juste, en la replaçant évidemment dans son contexte culturel et religieux, qui est celui, en toute généralité, de la figure de la mère en Inde et de la signification des déesses. Donc, à travers cette mère divine, c'est en réalité quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, bien entendu, mais en même temps quelque chose de l'ordre de la métaphysique la plus haute que nous sommes éventuellement appelés à découvrir. Et pour cette exploration, nous avons avec nous Tara Michael, docteur en études indiennes, chercheur honoraire au CNRS, qui est assez connu, je pense, du public, à la fois par ses livres et par ses traductions de beaucoup de textes indiens qui, jusqu'alors, n'étaient pas à notre portée. En même temps, il faut signaler que les extraits du Devi Mahatmya, autrement dit la célébration de la grande déesse, sont dits par Sophie de Merak et que les chants sont interprétés par Kakuli Sengupta, des chants à la déesse et particulièrement des chants à la figure de la grande déesse shivaïte, c'est-à-dire Durga. Tu es la primordiale, la matrice des créatures en nombre infini. Tu différencies l'absolu en ses 3 puissances, Brahma, Vishnu et Shiva, pour créer, maintenir et détruire les mondes. Ô mère, puisse ton chant purifier mon verbe. Manu, le législateur, dit que une mère vaut 100 pères et le rôle de la mère est très important en Inde. En effet, on dit qu'il peut y avoir de temps en temps un mauvais fils, mais il n'y a jamais de mauvaise mère. C'est la mère qui accompagne l'enfant pendant toute son enfance et sa jeunesse. C'est aussi la mère, très souvent, que les hommes appellent quand ils sont dans le besoin, la difficulté, les dangers ou les grandes crises. Et la mère a un rôle essentiel à la fois dans la vie, dans la mythologie, dans l'art et dans la métaphysique indienne. Mais alors, cette figure de la mère, Tara Michael, on a l'impression qu'elle est pratiquement omniprésente, puisqu'on sait que presque toutes les localités ou de chaque endroit géographique a sa mère à soi, si l'on peut dire, comme si la mère, je dirais, surplombait l'ensemble de la mentalité indienne. Oui, il y a les mères qui sont des mères locales, des mères de village, mais au-dessus d'elles, il y a les grandes déesses du Panthéon, les trois principales que sont Sarasvati, Lakshmi et Durga. Et au-dessus d'elles encore, il y a la mère suprême, la mère de tous les dieux, la déesse suprême. Quoi que ce soit, où que ce soit l'être ou le non-être, tout est en toi. Toi, l'énergie de l'univers, comment pourrais-je te chanter? Le Dieu suprême qui crée le monde, le conserve et le mange à la fin, tu le soumets à ton emprise, déesse sommeil. Quel Dieu donc saurait te chanter? Si Vishnu, si Shiva, si moi-même avons pris un corps, c'est sous ton impulsion, qui d'entre nous aurait donc le pouvoir de te chanter, déesse? Jagajanani. Vous avez parlé de Durga, de Sarasvati, de Lakshmi, et déjà, elles sont quand même les paraîtres, je dirais, de dieux différents. Puisque si je me rappelle bien, Lakshmi va avec Vishnu, alors que Durga va plutôt avec Shiva. Oui, elles sont les énergies des dieux qui leur correspondent. C'est-à-dire qu'un dieu n'est considéré comme n'ayant une puissance, un pouvoir, une faculté d'action, que s'il est pourvu de son énergie, s'il est entouré de son énergie. Et c'est l'énergie elle-même qui agit, qui est la puissance de volonté, d'action et de connaissance. Le Dieu, lui, n'est qu'un principe statique, et c'est grâce à son énergie qu'il manifeste sa puissance. Et les trois grands dieux auxquels correspondent les trois déesses essentielles dans l'hindouisme actuel, ce sont Sarasvati, la déesse de la connaissance, de la parole, de la fontaine de connaissance qui s'écoule des cimes jusque vers la terre, et elle est la parèdre du dieu Brahma. C'est-à-dire que le dieu Brahma n'a son énergie créatrice que grâce à sa parole. Et donc elle est le verbe, mais elle est le verbe au féminin. Elle est la parole, Vani ou Vaj ou Sarasvati, c'est-à-dire le flot qui s'écoule d'une manière ininterrompue. Donc elle préside à toutes les voies libératrices et à la connaissance pure, à toutes les sciences sacrées et également à tous les arts. La deuxième, c'est Lakshmi, la déesse qui manifeste la prospérité et le bonheur dans l'univers manifesté. Elle est la déesse aux deux lotus, qui tient deux lotus et qui est elle-même sur un lotus. étant la richesse et la prospérité qui manifestent la perfection dans l'univers manifesté, elle est la parèdre du dieu Vishnu, qui, vous savez, a un rôle protecteur, protection qu'il exerce grâce à Lakshmi. On peut dire aussi que Lakshmi, il faut toujours la faire asseoir, car si elle reste debout, étant la déesse de la fortune, elle risque de s'en aller. Il faut donc la rendre stable, la faire asseoir, l'accueillir. Elle représente la richesse en toutes sortes de choses, aussi bien la richesse en puissance que la richesse en gloire, en splendeur, en descendance, en héroïsme, en vaillance, toutes les grandes qualités qui sont propres au monde manifesté. Et la troisième, c'est Durga, la parèdre de Shiva, celle qui a beaucoup de noms également, elles ont toutes beaucoup de noms, mais Durga plus particulièrement. Durga qui veut dire celle qui est difficile à atteindre, et aussi celle qui rend les passages difficiles, faciles à traverser. Durga est l'énergie féminine à la fois destructrice et bénéfique. Destructrice en ce sens qu'elle met un fin à l'univers manifesté, elle le résorbe, elle préside donc à la mort, à la dissolution, mais elle préside aussi à la transformation et à la transsubstantiation du multiple dans l'un, au retour du multiple dans l'un et aux voies de libération en même temps. Durga, qui a comme nom Gauri, la blanche, la resplendissante, Kali, la noire, la sombre, la terrible, puisque toutes les déesses, mais surtout Durga, ont à la fois un aspect bénéfique et un aspect terrible. Un aspect que l'on adore et un aspect que l'on redoute. Shakoli tomari ichha, ichha moe tara tumi, tomar karma tumi karo maloke bole koriyami. Shakoli tomari ichha, ichha moe tara tumi, tomar karma tumi karo maloke bole koriyami. Mais alors, Tara Michael, il y a là quelque chose qui est évidemment difficile à comprendre pour une mentalité d'occidentale formée par notre culture, puisque vous nous avez dit que d'une certaine manière, le dieu était immobile, et on pense évidemment à Shiva dans sa méditation complètement immobile, et puis c'est sa Shakti, c'est sa puissance féminine qui crée le monde. Bon, évidemment pour nous, à moins de revenir à la théologie orthodoxe et ce qu'on appelle les energeia, les énergies de Dieu, c'est quelque chose qui nous est assez étranger. Mais en même temps, on se dit que dans le monde d'apparence dans lequel nous sommes, c'est aussi donc la déesse qui a créé les apparences. Oui, c'est la déesse qui, en premier lieu, existe en tant que puissance de désir, Ichha Shakti, volonté d'être multiple dans l'esprit, dans le divin, dans le principe même de la divinité. En effet, si Dieu est, et on le définit comme le Dieu ou le Brahman suprême, on parle plutôt de l'absolu, de la plus haute réalité, qu'on appelle le Brahman, au neutre, parce qu'il n'y a pas en lui à ce moment-là ni de masculin ni de féminin, et on emploie un mot neutre. Mais en ce Brahman se manifeste en premier lieu un désir de créer. Et cette volonté de créer, qui s'exprime par la phrase fameuse des Upanishads, « Puissais-je être multiple ? Puissais-je donner naissance ?» c'est la volonté de désir. Et cette Icha Shakti, c'est la première manifestation de la déesse en tant que volonté créatrice d'un univers. S'il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas d'univers. Il n'y a que l'absolu, un, éternel, immobile, sans second. Donc, il y a en premier lieu une scission de l'absolu en un principe féminin et un principe masculin. Au sein du principe masculin se définit une énergie de désir, et répondant à ce désir, la déesse, en tant qu'énergie, commence à dérouler l'univers, à manifester l'univers, et elle le fait grâce à sa puissance d'action et à sa puissance de connaissance, puisqu'il y a à la fois connaissance de ce que sera la création et réalisation des étapes progressives qui mènent du non-manifesté au manifesté. On peut dire que le principe masculin en lui-même est considéré par les Indiens, du point de vue métaphysique, comme absolument immobile, absolument statique. Si Dieu est ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire éternel, immuable, inchangeable, il ne peut pas y avoir de création. Il ne peut y avoir de création parce que il y a une énergie qui provoque une division et qui progressivement crée un spanda, c'est-à-dire une vibration initiale qui ensuite donne naissance à un nada, c'est-à-dire un son primordial, et ce son primordial aboutit à un bindu, un point, et à partir de ce point se répartit la création dans une direction quadruple, comme l'indique le fait que le créateur Brahma a quatre têtes. Donc, en fait, le Brahman suprême est présent partout dans sa création sous forme de point, sous forme d'axe, sous forme non spatiale, tandis que l'espace et le temps sont développés par sa shakti, son énergie, qui est sa puissance, et qui crée, maintient et détruit le monde, qui le résorbe et permet aussi aux âmes de prendre une voie ascensionnelle par laquelle ils rejoignent le principe. Donc, en toute chose, c'est la mère uniquement, c'est la shakti uniquement qui agit. Elle le fait pour réaliser le vœu du principe, le vœu de Shiva. Hommage à la déesse, à la grande déesse, à l'auspicieuse. Hommage encore, hommage à la nature généreuse, déférant nous la saluons. À la terrible, à l'éternelle, à Gauri qui soutient le monde. À la clarté lunaire, à la lune belle et volante, hommage encore, hommage. À celle qui est à la fois le fleuve difficile et l'autre rive, l'essence immuable et la créatrice, à l'idée, à la noire et à la grise, hommage encore, hommage. À la déesse que l'on nomme la conscience de soi présente en tous les êtres, hommage encore, hommage. À la déesse qui réside en tant qu'intelligence en tous les êtres, hommage, hommage encore. À la déesse qui réside en tant que paix du cœur en tous les êtres, hommage encore, hommage. À la déesse qui réside en tant qu'activité en tous les êtres, hommage encore, hommage. À la déesse qui réside en tant que mère en tous les êtres, hommage encore, hommage. Dans la terminologie shivaïte, puisque le point de vue shakta est très souvent et le plus développé à l'intérieur des voies shivaïtes. Alors, à travers ce que vous dites, Tara Michael, est-ce qu'on ne retrouve pas ces propositions qui, par rapport à ce que nous croyons de l'Inde, généralement nous semblent si étranges dans certaines Upanishads, à savoir que le féminin divin, si l'on peut dire, est la puissance de manifestation. Donc c'est quand même à cause de ce divin que existe la fameuse Maya. Et on a l'impression que justement, dans la mesure où elle est puissance de manifestation, elle est en même temps puissance de résorption, et que, je dirais, c'est à travers cette Maya elle-même qu'elle a répandu qu'en réalité, on peut accéder à la connaissance, qu'on peut accéder au principe premier. Alors, est-ce que ça ne donnerait pas un éclairage sur cette fameuse parole qui nous semble souvent si sibylline ? Vous savez, le Brahman et la Maya, c'est la même chose. Ça dépend si on se place du point de vue du Vedanta Advaita proposé par Shankara, qui est très célèbre et qui a séduit beaucoup d'Occidentaux. Du point de vue de Shankara, en effet, seul le Brahman est et l'univers phénoménal, celui dont nous faisons l'expérience par notre esprit et nos sens, est une maya, c'est-à-dire il est, dans le sens où le prend Shankara, une illusion. Donc, du point de vue védantique, advaitique, il n'y a qu'une seule réalité brahman, le monde n'existe pas, n'a pas de réalité, et n'est qu'une maya. Mais ce point de vue n'est pas partagé par l'ensemble de l'Inde, il n'est pas partagé par le Veda, qui déjà parle de la Maya d'Indra, de la Maya de Vishnu, en tant non pas qu'illusion pure, pas en tant qu'erreur, mais en tant que magie souveraine qui donne une existence réelle aux phénomènes et aux êtres vivants. Donc la Maya, mot qui est employé par les Shaktas aussi, c'est-à-dire les adorateurs de la Shakti, est une puissance divine qui manifeste l'univers, qui sous-tend, soutient et accompagne tous les êtres dans leur développement et dans leur devenir, mais qui n'est pas une irréalité. C'est le trop grand succès de l'Advaita, de Shankara, qui a fait considérer la Maya, c'est-à-dire l'univers manifesté tel qu'il nous apparaît, comme un songe ou une irréalité. Du point de vue des Shaktas, c'est une réalité, même du point de vue de Ramanuja, qui est un autre interprète du Vedanta, qui dit que Dieu est immanent, il est à l'intérieur des phénomènes, il n'est pas seulement transcendant, et comme le divin est immanent, il dirige de l'intérieur et veille de l'intérieur, d'une part à tout l'ordre cosmique, et d'autre part au devenir de chaque être. Ami jantra tumi jantri ami ghar Si vous le voulez bien, Tara Michael, on va s'intéresser plus précisément à Durga, c'est-à-dire cette déesse qui va en couple, si l'on peut dire, avec Shiva, dans la mesure où vous l'avez signalé, elle a beaucoup de noms. Elle est Gauri, effectivement, elle est Kali, elle est Parvati. Enfin, cette Parvati que chante Kalidasa lorsqu'il nous raconte les amours de Shiva et de la fille de l'Himalaya. Et on essaie de comprendre quel est le principe d'unité entre tant de figures. Parce que même lorsque vous nous dites Kali la Noire, on voit bien que Kali est la Noire, mais dans la mesure où il y a aussi tout ce combat contre les forces du mal, et qu'éventuellement son aspect effrayant est la manière dont elle combat en fin de compte le mal. Et c'est souvent peut-être ce qu'on n'a pas compris en Occident. Kali est adorée plus particulièrement dans le Kali Yuga. Alors attention là, Kali Yuga, l'âge Kali, c'est l'âge du mauvais coup de dé. Et dans cet âge, les capacités humaines sont restreintes. La profondeur de l'intuition et la durée de la vie sont beaucoup moins grandes que chez les hommes de l'âge d'or. Et dans cet âge, les dieux classiques, si je puis dire, la triade des dieux, plus les dieux Indra et tous les autres, tous les êtres célestes, se font renverser et mettre à mal par les forces du mal, parce que le mal et l'ignorance sont triomphants dans cet âge. Et il n'y a que la déesse, sous son aspect de Durga, qui prend celui de Kali, qui est à même, possédant les forces d'une démone en même temps que les forces d'une déesse, il n'y a que cette déesse Kali qui est à même de vaincre le mal. Et c'est son aspect héroïque. C'est l'aspect héroïque qu'elle assume. Quand tous les dieux sont vaincus et qu'ils recourent à elle, ils concentrent toute leur colère, toute leur fureur, et des feux qui se détachent de toutes les divinités, jaillit un grand feu, d'où naît la déesse Kali, qui reçoit de chaque divinité une arme, son arme spécifique. Elle concentre dans ses milliers de bras toutes les armes de toutes les divinités et elle part à la conquête de ce roi des Asuras, ce roi des démons, qui l'a emporté sur les dieux. Et ils s'en remettent à elle et c'est elle qui part à l'attaque, qui défie le démon, le chef des démons, qui s'incarne d'abord sous la forme de Shumba et Nishumba, puis qui s'incarne sous la forme d'un buffle gigantesque, symbole de l'ignorance. Et c'est elle qui parvient à triompher du mal. De la tête de Durga émerge Kali elle-même, qui possède une immense bouche, une langue pendante, des cheveux hirsutes, et qui a ceci de spécifique, qu'elle est capable d'annihiler de façon toute particulière la multiplicité des manifestations du mal. En effet, à un moment, quand la déesse Durga veut mettre à mort l'esprit du mal, celui-ci, de chaque goutte de son sang qui tombe sur la terre, jaillit à nouveau un nouveau démon, pareil à lui-même. Et il se démultiplie de manière excessive et terrifiant tous les dieux qui sont spectateurs de la bataille. Seul Kali ouvre une bouche immense et dans sa bouche, elle avale à la fois le sang qui jaillit du démon et le démon lui-même. Et c'est pour cela qu'on la représente avec une grande bouche et une langue pendante qui indique qu'elle a la capacité d'absorber et d'annihiler le principe démoniaque, même dans ses possibilités reproductrices. Est-ce que ce n'est pas à partir de telles considérations, Tara Michael, que l'on peut comprendre des poèmes qui nous ont posé beaucoup de mal? Je pense par exemple à l'œuvre de quelqu'un comme Ram Prasad, dans ses Chants à Kali, dans lequel il décrit Kali, effectivement, sous son aspect reconnu, si on peut dire, effectivement, cette bouche ouverte, cette langue pendante, le sang qui lui coule des lèvres, des colliers de crâne autour de la ceinture, et où en même temps, ce sont des chants d'amour absolument éperdus à cette déesse. Et on voit bien qu'à nous, ça nous a posé des problèmes en disant comment peut-on être, entre guillemets, amoureux d'un tel principe. Est-ce que ce n'est pas à partir de telles considérations sur le combat eschatologique, si l'on peut dire, quasiment comme Mène Kali, qu'en réalité, Ram Prasad peut chanter cet amour à la déesse? Les Occidentaux ont, au début, été extrêmement effrayés par les représentations de Kali, qu'ils trouvaient horrifiantes et semblables à une démone. Il faut se souvenir que l'aspect hideux et terrifiant de Kali n'est-elle que parce qu'elle doit faire face aux formes les plus extrêmes du mal qui doivent se manifester en fin de cycle, et que c'est à cause de ses possibilités de terrifier l'ennemi, de terrifier le mal, qu'elle est bénéfique, et c'est parce qu'elle est si terrible que les hindous l'adorent, parce qu'elle est terrible pour le mal et pour les méchants. Et il est évident qu'elle est en rapport avec des symboles de mort, que son collier de crâne fait allusion à sa fonction destructrice et à sa relation avec la mort. Mais la mort n'est pas un aspect, d'une part, que les hindous cherchent à éluder ou à se cacher. Dieu, pour eux, n'est pas seulement un être bon, un dieu bon, c'est aussi un dieu terrible, puisque le cosmos et les êtres humains doivent faire face à l'inévitabilité de la mort. Et son aspect sanglant, ses crocs dégouttants de sang, et sa langue pendante, sa figure parfois, et ses mains chargées de sang, représente le sang des Asuras qu'elle dévore. Et en dévorant les Asuras, elle délivre son adorateur de tout mal et de toute vicissitude. Le sage expliqua, du fait qu'Ambika surgit un jour du corps de Parvati, l'univers entier la vénère sous le nom de Kaushiki. Quant à Parvati, dont la demeure est dans l'Himalaya, son corps devint noir après que la bénéfique en fut sortie, et c'est pourquoi on la nomme elle-même Kalika. Sur ces entrefaites, Chandaimunda, serviteur des deux asuras, Shumba et Nishumba, aperçurent Ambika dont les formes étaient propres à ravir l'esprit. Ils s'en furent conter la chose à Shumba et dirent « Nous avons vu une femme ravissante, noble roi. Elle habite dans l'Himalaya et sa beauté illumine les montagnes. Personne n'a jamais vu pareille beauté. Il faudrait savoir qui est cette déesse et que tu la prennes en ton pouvoir. C'est une gemme que cette femme au beau membre. Sa beauté illumine tout l'univers. Il faut que tu la voies. » Tous les trésors, tous les joyaux, les éléphants, les chevaux, ce qu'il y a de plus beau au monde, tout cela est maintenant chez toi. Ainsi, puisque tu t'es emparé de tous les trésors du monde que je ne peux même décrire, comment se fait-il que tu n'as pas aussi cette femme qui ressemble à un joyau ? Shumba décida d'envoyer son lieutenant, l'Asura Sugriva, auprès de la déesse. Sugriva se rendit donc sur le pic élevé où résidait la déesse et il lui adressa avec déférence un discours plein de miel. « Tu es si belle, déesse, que tu apparais comme le type même de ce qu'on appelle une femme joyau. Or, je suis avide de joyaux. Tu dois donc venir avec moi. Viens partager mon existence, ou celle de mon frère cadet le vaillant Nishumba. Viens avec nous, puisque tu es une gemme parmi les femmes. Ô belle à l'œil coquin, en m'épousant, tu obtiendras la souveraineté suprême. Nul ne t'égalera. » Ayant écouté ce discours, la déesse sourit en elle-même, et la bénéfique souveraine Durga, par qui ce monde-ci est soutenu, répondit « Ce que tu dis est vrai. C'est vrai à coup sûr que Shumba est à présent le maître des trois mondes avec son frère Nishumba. Mais vois-tu, j'ai fait autrefois une promesse, et comment pourrais-je la trahir? Voici ce que j'ai promis dans un moment de faiblesse. Je n'aurai jamais pour mari, ai-je promis, que celui qui réussira à me vaincre dans un combat et à détruire mon orgueil. Que Shumba, le grand Asura, vienne donc ici, ou Nishumba peut-être. Que l'un ou l'autre l'emporte sur moi, je lui accorderai ma main. Va donc, à quoi bon perdre du temps ?» Sugriva dit « Te voilà bien arrogante, déesse. Comment oses-tu me parler de la sorte? Quel homme dans les trois mondes pourrait rester debout face à Shumba et Nishumba? Les dieux même ne leur résistent pas sur le champ de bataille, ni les démons. Comment serait-il de toi qui es femme et seule? » La déesse répondit « Oui, je sais que Shumba est fort et Nishumba très vaillant, mais comment pourrais-je trahir ce vœu que j'ai fait imprudemment il y a longtemps? Retourne donc là-bas et répète à Shumba très exactement ce que je viens de te dire. » Qu'il fasse, lui, ce qui lui paraîtra bon. Si on pousse le shivaïsme jusqu'à son bout le plus extrême, c'est-à-dire en fin de compte un certain nombre de manifestations de textes tantriques, on a l'impression que la déesse, la figure de la déesse d'une certaine manière, est en réalité le Brahman lui-même. D'ailleurs, avec le nom qui lui a été donné, Brahmayami, celle qui porte le Brahman, je pense à des textes comme le Mahatripura Sundari, dans lesquels on voit que la déesse est la déesse des trois niveaux, si l'on peut dire, du monde, mais que dans son cœur même, elle est le Brahman. Oui, la déesse est le Brahman suprême. Elle est totalement une avec l'absolu. Elle est l'énergie du Brahman. Les adorateurs considèrent la déesse comme le Brahman, la forme du Brahman lui-même. Elle est Brahmamayi, elle est consistant en Brahman, en réalité absolue. Mais elle a aussi un soin particulier de tous les êtres créés, manifestés, puisqu'elle est à la fois la mère des dieux, la mère des êtres humains et la mère de toute la création. Et comme en tant que mère, elle a une sollicitude infinie. Même les êtres qu'elle vainc et qu'elle détruit, c'est non pas pour les jeter dans des enfers, mais pour leur faire accéder directement à la délivrance, parce que ayant reçu l'impact de son glaive ou d'une de ses armes, ils sont délivrés de ce fait et vont vers les royaumes divins. Mais est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas considérer que la déesse ainsi considérée est, si je peux avancer cette expression, la totalité totale, puisqu'elle est à la fois l'inconditionnée, elle est à la fois la manifestation, elle gouverne les humains, d'une certaine manière, elle les guide, comme si d'une certaine façon, elle assumait, je dirais, toutes les facettes de la création et de ce qui est avant la création. Oui, c'est vrai, elle assume toutes les facettes de la création et ce qui est avant la création. Et en même temps, elle est en union éternelle avec l'aspect mâle de la divinité. Mais on le représente de manière symbolique ou mythique. Par exemple, Durga ou Kali est soit assise sur le corps étendu de Shiva, qui, sans la déesse, est un shava, c'est-à-dire un cadavre, c'est-à-dire le cadavre représente l'aspect totalement immobile, immuable, et donc similaire à un cadavre de la réalité transcendante, tandis que Devi qui danse sur son corps est l'aspect dynamique. Bashan par ma Chandane charchito jaba pade devo yami go Chandane charchito jaba pade devo yami go Je pense que le succès des voies ascétiques préconisées par à la fois l'Advaita de Shankara et la non-dualité enseignée par Shankara et également par les voies de yoga qui proposent comme méthode le renoncement et la pratique des méthodes de yoga, a causé à une certaine période, pendant l'Inde classique, une sorte de dévalorisation du monde et une terreur de la femme. Et on trouve ça à chaque fois que l'ascétisme devient prédominant, que les voies qui proposent le renoncement deviennent prédominantes. En effet, celui qui renonce au monde et qui veut se détacher le fait parce qu'il craint les objets des sens et les tentations créées par les objets des sens. L'être humain a cinq sens et à travers ces cinq sens, plus son esprit, il est en danger de s'identifier et de devenir attaché et donc de tomber. Et c'est ainsi que les voies de renoncement et de détachement considèrent la femme comme le danger suprême puisque elle est pour eux la tentatrice et celle qui comporte le plus grand, qui recèle le plus grand, les plus grandes possibilités d'attachement. Et d'où cette dépréciation du monde, d'où cette dépréciation de la femme qu'on trouve dans toutes les voies ascétiques. Et les tantras ont pris se sont colletés avec cette tendance et ont pris la question à rebours et ont cherché à ce que l'homme s'élève par ceux-là même qui risquent de le faire tomber. Et ils ont redonné un autre sens à la femme. Ils ont redonné sa nature divine à la femme, nature qui lui était déniée par les ascètes masculins, qui voient toujours la femme sous un aspect sensoriel, sous un aspect d'apparence, l'apparence dangereuse, l'apparence trompeuse, l'apparence attirante. Le tantrisme a remis l'accent sur la nature essentielle de la femme, qui est d'être une avec l'énergie suprême du divin, avec la Shakti, et ils ont voulu que on ne craigne plus les femmes, on ne les évite plus, mais qu'on les révère et qu'on les adore. Et ils ont également cherché à sacraliser toutes les expériences humaines, et toutes les expériences de l'homme, de l'être humain en rapport avec ses sens, aussi, que ce soit les repas, que ce soit la boisson, que ce soit la relation avec les femmes et les autres êtres du cosmos. Ô fille de l'Himalaya, tu inspires à Shiva la jouissance destructive qu'il manifeste à travers son octuple forme. Ô mère, les hommes n'adorent la Ganga au triple cours, roulant ses eaux dans les trois niveaux du créé, que parce qu'elle ruisselle sur la chevelure nattée de Shiva, purifiée par la poussière de ton pied de lotus. Comme le lotus Kumudi ne s'épanouit qu'à la nuit sous les doigts argentés de la lune, comme le lotus Kamalini n'éclot qu'avec le jour aux rayons dorés du soleil, comme chaque chose ne se réjouit que de ce qui correspond à sa nature profonde, l'univers ne prend vie, ô mère, qu'à ton regard. Livre. Dans un registre différent, mais qui d'une certaine manière pourrait avoir affaire avec la mère divine, je voudrais signaler d'abord l'ouvrage de Jacqueline Kellen, Mélusine ou le jardin secret, aux éditions de la Renaissance. On sait très bien, après les travaux de Gilbert Durand, qui ont été repris par quelqu'un que nous avons reçu ici, c'est-à-dire Audrey Fella, comment Mélusine est peut-être un souvenir de l'ancienne grande déesse, mais où Jacqueline Kellen, à travers les manuscrits, à travers les textes du XIVe siècle, d'abord celui de Jean d'Arras, ensuite celui de Coudrette, et c'est à travers la figure de Mélusine la fée et de son aventure avec Raymondin de Lusignan, elle essaie donc de mener toute une méditation sur le surnaturel, sur la transcendance, sur l'amour et d'une certaine façon la manière dont cet amour s'enracine dans quelque chose qui est au-delà de la condition humaine. Auprès de Raymondin, Mélusine joue le rôle magnifique et ardu que le Créateur assigna, comme je l'entends, à Ève, éveillée, l'Adam endormi. Elle est, dès la première rencontre, cette aide providentielle qui sort le chevalier de sa torpeur. Elle est, dans la vie de son époux, le secours et le soutien d'ordre spirituel, le ferment de croissance. Puisque nous sommes dans le légendaire, je voudrais aussi attirer l'attention sur le livre de Martin Aurel, professeur à l'Université de Poitiers, intitulé « La légende du roi Arthur » aux éditions Perrin. Le roi Arthur, on sait très bien en effet que beaucoup d'explications sont données, d'une part dans une reconstitution historique en tant que le chef celte qui se serait opposé aux invasions saxonnes de l'archipel britannique, ou alors au contraire, un dieu ours, un vieux dieu ours que l'on trouve d'ailleurs dans son radical, Art, qui signifie l'ours dans les langues celtiques. Un dieu ours donc qui se serait finalement coulé dans les moules de la civilisation chrétienne. Et évidemment, nous allons aboutir au roi Arthur de Chrétien de Troyes, puis de la quête du Graal, jusqu'à ce texte qui signe la fin du cycle, si l'on peut dire, la morte d'Arthur en Angleterre, de Thomas Malory. À travers l'enquête de Martin Aurel, on essaie précisément de comprendre comment s'est formée la légende du roi Arthur, quels en sont les traits principaux et pourquoi cette légende, à travers toute la matière de Bretagne, à travers la quête du Graal, a tellement marqué notre Occident, tout au moins au Moyen-Âge, mais on sait bien combien il y en a de prolongements jusqu'à aujourd'hui. Les écrivains utilisent la légende pour communiquer un enseignement, principalement de nature religieuse. Au début du XIIIe siècle, ils cherchent le plus souvent la conversion de leurs auditeurs et lecteurs. La fiction arthurienne n'est pas un simple amusement. Sous les apparences du jeu, elle aura caché de multiples enjeux. Dans une ère de culture évidemment extrêmement différente, je voudrais aussi signaler la légende des soleils, qui reprend les mythes aztèques des origines, traduit directement du Nahuatl par Jean Rose, aux éditions Anacharsis. De quoi s'agit-il au juste ? C'est, si l'on se place au cœur de la mythologie aztèque, la création du cinquième monde, ce cinquième monde dans lequel nous sommes supposés vivre, et la manière dont, dans la civilisation légendaire, encore qu'elle a certainement historiquement existé, de Teotihuacan, le soleil s'est jeté dans le feu afin précisément que le monde puisse exister. Et d'une certaine manière, à travers la figure de Nananzin, ce soleil qui se sacrifie ainsi, à travers la figure de Quetzalcoatl, c'est toute la grande mythologie mésoaméricaine qui est ainsi développée devant nous, alors même que nous la connaissons très peu et que cela nous permet d'approfondir notre réflexion et éventuellement notre rapport aux différentes mythologies du monde. Lorsque le soleil monta au ciel, la lune, qui était seulement tombée dans la cendre, le suivit. Elle n'était pas arrivée aux confins du ciel que Papashtak, le dieu de l'ivresse, la frappa au visage avec un récipient en forme de lapin. Puis, à la croisée des chemins, des esprits et des démons vinrent lui dire « Sois la bienvenue ». Enfin, dans un esprit évidemment radicalement différent, je voudrais m'intéresser au livre de Renaud Lavandier, « Le rire du Tibet, histoire grivoise et facétieuse » d'Aku Tumpa, aux éditions L'Harmattan. Que signifie ce nom d'Aku Tumpa ? Aku signifie exactement l'oncle. Tumpa est la désignation traditionnelle dont on se sert au Tibet pour désigner un maître. Donc, de cette manière, il s'agit de l'oncle maître, mais qui s'enracine dans un fond populaire tibétain extrêmement profond Et à travers cette figure qui est à la fois redresseur de tort et à la fois extrêmement paillard, on peut se demander s'il n'y a pas là des vestiges de l'ancienne religion bonne, de cette religion chamanique qui a tellement marqué le bouddhisme tibétain. Car il s'agit en fait d'histoires extrêmement marquées par le rapport à la sexualité, par le rapport à la condition humaine d'une certaine manière, et à travers cette grivoiserie, on rencontre souvent l'esprit qui est celui, par exemple, de beaucoup de nos fabliaux dans notre propre Moyen-Âge. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est un autre Tibet qui se découvre à nous et qui montre que derrière une spiritualité extrêmement profonde, extrêmement développée, il y a aussi tout ce peuple qui peine en quelque sorte à la tâche et qui trouve un exutoire dans le rire. Une jeune fille et sa mère étaient si pauvres qu'il y avait peu de chances que la demoiselle fasse un jour un mariage qui améliore leur situation. Personne ne voudrait jamais d'elle. Akutampa s'intéressait de près au sort de la malheureuse. Certains affirment que ce n'était pas par pure générosité. D'autres, qu'un intérêt plus pénétrant explique toute l'histoire. Et c'est ainsi qu'Akutampa s'arrangea pour que la jeune fille soit épousée par l'empereur, mais bien évidemment, il en fit aussi sa maîtresse. Les livres aujourd'hui, Mélusine ou le jardin secret de Jacqueline Kellen aux éditions de la Renaissance, La légende du roi Arthur de Martin Aurel aux éditions Perrin, La légende des soleils dans une traduction de Jean Rose aux éditions Anacarsis et Le rire du Tibet de Renaud Laventier aux éditions L'Harmattan. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Tara Michael. Texte lu par Sophie Demérac, mixage Nadège Antonini, réalisation Isabelle Huel. Boshon paroma, boshon paro paro mago, boshon paroma. Tumi pagol, poti pagol, mago aro ache pagol. Tumi pagol, poti. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.